Autant c'est difficile pour nous autres, les hommes, de nous imaginer dans une situation de relation que c'est pas notre femme qui est responsable de la situation, que c'est pas de sa faute. Ça devient plus facile quand on se conscientise, mais quand on est inconscient, là, c'est toute la bonne femme qui a le blâme, ou le boss qui a le blâme, ou l'autre gars qui a le blâme, ou nous autres qui a le blâme. Parce qu'on ne se voit pas comme étant des êtres utilisés. On ne se voit pas comme des êtres. De toute façon que c'est difficile pour nous autres de voir que ce ne sont pas nos proches qui sont responsables de nos des conditions de vie, de la même façon que c'est encore plus difficile pour nous autres de réaliser que ce n'est pas l'ajusteur de pensée qui est responsable de nos conditions de vie. Fait que c'est dur pour nous autres de voir que ce n'est pas notre femme, pas notre mari, puis pas le gars à côté qui est responsable de notre condition de vie. Imagine-toi comment est-ce que c'est difficile pour nous autres de nous imaginer que ce n'est pas lui en haut, le chien. Parce que moi, je les ai traités de chien tout le temps, fait que les gens pensent tout le temps que c'est le chien en haut. Mais j'ai une raison pour que je parle de même. Puis moi, je sais très bien que ces êtres-là, ce qu'on appelle les ajusteurs de pensée, sont tellement près de nous autres. Ce sont des êtres dans lesquels... Ce sont des êtres qui aiment tellement l'homme, mais à un niveau qu'on ne peut pas comprendre. Mais ils sont tellement... Ils font tellement partie de l'homme. La preuve, c'est qu'ils sont notre intelligence. Peu. Qu'on a l'impression souvent que c'est eux autres qui nous cassent les pieds. C'est pas eux autres qui nous cassent les pieds. C'est notre mémoire. Qui nous casse les pieds. Cette énergie que je parle là, ils ne peuvent pas là. C'est à cause de ça qu'on vit l'inertie de l'intelligence. Autrement dit, l'inertie de l'intelligence, c'est une condition d'énergie qui fait partie de la mémoire de l'homme et que l'homme, un jour, doit détruire par lui-même. Personne ne peut détruire cette mémoire-là pour lui. Personne ne peut détruire cette mémoire-là pour lui. Et la mémoire de l'homme programme l'homme à la vie qu'il doit vivre dans la condition matérielle lorsqu'il s'incarne. L'homme pense qu'il est en sécurité sans problème. Oui. Oui. Oui. Oui. L'homme pense que, ou il se sent en sécurité quand il est dans les mémoires parce que il a déjà l'impression d'un vécu. Et l'homme, ayant l'impression d'un vécu, a déjà une mémoire de la façon dont il opère dans le vécu. Ça, ça lui donne une sécurité. Et d'un autre côté, ça lui enlève de l'intelligence pure. Et de l'intelligence pure, c'est de l'énergie, monsieur. C'est de l'énergie de l'intelligence pure, c'est pas de l'intelligence. De l'intelligence, ça appartient à l'âme. Là, je vais un petit peu plus loin ce soir. L'intelligence humaine fait partie de l'âme. Elle ne fait pas partie de l'énergie. De sorte qu'un homme qui est dans l'intelligence pure, autrement dit, qui est dans l'énergie de l'intelligence, ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner jamais en relation avec le passé. Il fonctionne d'une façon permanente et constante en fonction de son présent. Et ce qui détermine la nature de son présent et la façon dont il veut fonctionner dans son présent, c'est l'équilibre entre le positif et le négatif. C'est-à-dire en dehors de la polarité, c'est-à-dire en dehors de la souffrance. Le seul baromètre que l'homme doit avoir dans la vie matérielle, c'est de ne pas souffrir. Un homme qui ne souffre pas est un homme heureux. Un homme qui souffre... Même s'il souffre pas de temps en temps, un homme qui peut souffrir est un homme qui peut être malheureux. Et est un homme qui peut avoir du plaisir ou avoir un certain bonheur astral. Mais un homme doit en arriver à ne pas souffrir dans son présent. Jamais! Jamais! Mais pour en arriver à ne jamais souffrir dans son présent, il faut qu'il en arrive à pouvoir constamment décoder l'énergie de l'âme. Et décoder l'énergie de l'âme, c'est voir à travers l'intention de son intelligence. Parce que l'intelligence de l'âme, c'est une intelligence expérimentale, tandis que l'énergie cosmique n'est pas expérimentale. L'énergie cosmique est totalement neuve et n'a jamais été utilisée. Et c'est parce qu'elle n'a jamais été utilisée que, lorsque l'homme la vit, cette énergie-là, il se crée des conditions sur le plan mental, physique ou quel que ce soit, qui ne sont jamais enregistrés dans la mémoire. De sorte que lui, en tant qu'homme, cessait dans l'avenir. Il ne cessant jamais dans le passé. Un homme qui est dans l'énergie est toujours dans l'avenir parce que c'est comme ça que l'homme crée son avenir. L'homme crée son avenir. Moi, je vous parle là, puis je crée mon avenir demain. On accepte de souffrir dans le présent, il ne faut pas souffrir. Ouais. Vous autres, vous acceptez de souffrir dans le présent, il ne faut pas souffrir dans l'avenir, parce que pour vous autres, l'avenir n'est pas connu et connaissable. Tandis que quand vous êtes dans le présent, vous créez votre avenir, fait qu'automatiquement, il est connaissable. Pour que ton avenir soit connaissable demain, il faut que tu le crées aujourd'hui. Si tu ne peux pas le créer aujourd'hui, tu ne peux pas le connaître demain. Alors, si vous ne pouvez pas créer votre avenir dans le présent, vous n'allez pas vivre ou connaître votre avenir. Vous allez connaître et vivre le futur. Et il y a une maudite différence entre l'avenir et le futur. L'avenir, c'est l'accumulation de tout ce qui est dans le présent. Le futur, c'est le rapport instantané avec le passé. Dans le futur, il n'y a pas d'avenir. Dans le futur, c'est simplement du passé réorganisé. Au-dessus de l'intelligence du présent. De sorte que dans le futur, il n'y a pas de présent, il n'y a rien que du passé. C'est simplement dans l'avenir qu'il y a du présent créatif et c'est dans le présent que tu construis ton avenir. Alors, pour construire ton avenir dans le présent, c'est évident que tu es obligé dans le présent d'être constamment capable de vaincre l'inertie d'intelligence, c'est-à-dire de détruire toutes les formes qui construisent les correspondances entre ton intellect et ton émotion. Puis ça, c'est la mémoire de l'art. Ça, c'est très difficile à l'homme, parce que l'homme veut vivre de la sécurité et il veut être assuré une sécurité demain. Lorsqu'en fait, l'homme ne peut pas être assuré une sécurité demain parce que le demain est en fonction du passé. L'homme ne peut avoir une sécurité demain que lorsqu'il l'a construit dans le présent. Et il l'a construit dans le présent lorsqu'il vainc l'inertie d'intelligence, c'est-à-dire lorsqu'il empêche l'âme, dans le mental et dans l'émotionnel, de faire interférence avec l'énergie. De sorte que le présent, c'est de l'énergie en activité. Les cartomanciennes lisent votre futur. Si c'est là le présent, puis que la cartomancienne te lit ton futur, tu peux tout le démolir, son futur, parce qu'il n'existera pas. Fait que même quand une cartomancienne vous dit quelque chose, là, puis ça marche dans le futur, vous êtes content, vous dites, tu vas. Comme des beaux niaiseux. Puis si la cartomancienne, elle vous dit quelque chose dans le futur, puis ça marche pas, là, vous dites, elle est pas bonne. Fait que vous payez pour savoir si elle est bonne, puis elle est pas bonne. Si elle est bonne, parce qu'elle vous dit le futur, mais c'est vous qui êtes pas bon. Fait que c'est de même l'histoire. On est niaiseux à ce point-là. Fait que c'est grave. L'homme doit construire son avenir et il le construit dans le présent. Mais il y a une condition fondamentale pour que l'homme construise son avenir, c'est qu'il puisse vaincre l'inertie d'intelligence, c'est-à-dire fonctionner au niveau de l'intelligence de ses désirs. Ça va vous expliquer ce que je veux dire. L'intelligence de nos désirs, c'est cette partie-là de nos désirs qui ne sont pas réalisables selon la mémoire, mais qui sont réalisables selon l'énergie. L'intelligence de nos désirs, c'est cet aspect-là de nos désirs qu'on dit, je suis pas capable de faire ça, c'est impossible. L'intelligence de nos désirs, c'est cet aspect de l'énergie en nous qui nous permet de réaliser ce que l'on est dans l'avenir. Mais qu'on n'est pas capable de vivre dans l'avenir parce que au lieu d'être dans l'intelligence de nos désirs, on est dans le rêve de nos espoirs. Un homme qui est dans l'intelligence de ses désirs ne peut pas vivre dans l'avenir autre que ça, parce qu'il est conçu dans le présent. Il y a un temps. Le temps est plus important quand tu dis le présent. Combien ça prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans, 3 ans? Tu vas le chercher. Moi, je dis à Gisèle, puis à ma femme, je dis, un jour, je veux une propriété dans le nord. Un jour, je veux un char avec un petit nez au bout. Un petit nez. Un beau petit nez. Un jour. Là, je m'en vais me chercher d'autres choses. Je vais vous dire, pareil. Je vais tester vos formes. Je m'en vais m'acheter un petit char qui est fait aux États-Unis. C'est une réplique des anciens Mercedes 1929. C'est fait à production. Ils sont pas chers. Ils sont bien beaux. Je m'en vais m'en chercher. Il est là, quelque part. Puis après ça, je m'en vais me chercher un yacht, quelque part. Regarde ça, je m'en vais. Regardez pas. Puis dans tout ça, je m'en vais chercher du monde. J'arrête pas. Alors, c'est tout lié au fait que tu dois être capable de vaincre l'inertie de l'intellect. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose qui est bien intéressant. Nous autres, on a peur de ça, l'abondance sur la Terre, parce qu'on est dans la merde. D'abord, l'Église nous a dit que c'était pas bon, parce qu'on parlait à notre âme. Le mysticisme puis l'ésotérisme nous a dit que c'était pas bon parce que on perdait notre ciel. Puis on a été tellement dit ça qu'on a tellement cru qu'on a perdu tout. Là, on n'a plus rien. L'homme a été créé intelligent puis riche, puis là, on est tenu. Puis on est totalement ignorant. Pourquoi? Parce qu'on a cru. On croit. Puis aussitôt que tu crois quelque chose qui vient d'un autre, c'est final. Parce que tu es dans l'inertie de cette intelligence-là. C'est pas si dangereux de croire. Puis la civilisation est pas arrivée à un point où l'homme n'a pas besoin d'argent. On est encore dans ce cycle-là. À ce moment-là, l'homme doit fonctionner en relation avec ça. S'il est trop pogné dans ses émotions, puis sa spiritualité, puis son ciel. Ça, c'est son problème. C'est son problème. Les gens vivent en fonction des autres. Les gens voient des vues, puis disent, c'est-tu beau, ça? C'est-tu beau, ça? Faut que tu aies créé ta propre vue. T'as fait ta vue, tu fais ton cinéma. Moi, je fais le mien. Fait qu'éventuellement, quand tu es suffisamment dans ton intelligence ou dans l'énergie de l'intelligence, tu vois dans 10 ans. Tu vois dans 10 ans, dans 15 ans, puis dans 3 ans, tu vois. Tu ne l'auras pas avant parce que tu n'as pas besoin, il n'y a rien de temps pour chaque chose. Mais tu vois, puis tu vois, puis tu vois, puis tu vois, puis tu vois. Fait que tu construis, puis tu construis, puis tu construis, puis tu construis ton avenir. Un sous-marin, tu veux un petit sous-marin, 20 pieds de long, un petit peu là. Non, il y en a un. Je t'apprends à faire des contacts pour l'avoir. Il n'y a pas de limite. Parce que sur le plan matériel, il faut qu'on balance nos vibrations. Ça sert à quoi le matériel? C'est pour balancer des vibrations. Pas pour montrer au gars à côté comment est-ce que tu as de l'argent à tes poches. Pour balancer des vibrations. Il y en a qui balancent des vibrations d'une façon, mais il y en a d'autres qui balancent des vibrations d'une autre façon. Il y en a d'autres d'une autre façon. Moi, je balance les miennes des miennes, puis l'autre, on balance les miennes des miennes. Mais on ne comprend pas ça. Parce que, d'abord pour bien des raisons, une des grandes raisons qu'on comprend pas ça, c'est parce qu'on n'a pas souffert de la vie. Le feu en dedans, pas, il n'est jamais venu à un état d'explosion. Moi, c'est pour ça que les gens qui souffrent pas assez, les gens qui souffrent pas, là, j'ai bien peur de ça. Pourquoi? Balancer des vibrations, ça veut dire que être capable de vivre 24 heures sur 24. Quand t'es capable de vivre 24 heures sur 24, c'est parce que tu sais tout où balancer des vibrations. T'as jamais à te creux. Tout le même. Tu te couches, tu te réveilles. Puis surtout, tu te réveilles, tout le temps. Ta vie est tout où pleine 24 heures par jour. Si t'es conscient de ça, mais tu vis réellement 24 heures par jour. On devrait vivre 24 heures par jour. Maintenant. Souffrir, je veux dire, en arriver à être assez sensible pour absorber le maximum d'énergie et devenir assez fort pour le neutraliser. Souffrir, c'est absorber l'énergie, soit que tu souffres inconsciemment ou que tu souffres consciemment, pour en arriver à plus souffrir pendant. Mais il faut que tu en arrives à plus souffrir pendant. Plus souffrir par tout, c'est savoir exactement ce que tu as besoin dans la vie pour balancer les vibrations. C'est un jeu d'énergie. L'homme est énergie. Mais nous autres, on se prend pour des êtres psychologiques. On est bien plus que des êtres psychologiques. On est des êtres vibratoires. Puis quand on commence à être des êtres vibratoires, c'est là qu'on commence à souffrir. Quand on est des êtres psychologiques, on peut ne pas souffrir. Mais tu peux prendre un gars qui est très, très, très riche, puis il commence à fonctionner vibratoirement, puis il commence à souffrir. Avant, il ne souffrait pas. Là, il est riche, là, sa richesse, ça ne fait rien, parce que quand tu as de l'argent, tu souffres vibratoirement, tu souffres. Comment tu as de l'argent, tu ne peux pas être intime. Si tu fonctionnes psychologiquement, tu as de l'argent, tu peux toujours te donner la pilule pour un soir, une journée. Tu peux aller en vacances, tu peux aller quelque part. Mais quand tu fonctionnes vibratoirement, que tu sois à Paris, ou que tu sois au Dingue, que tu sois à Montréal, tu vas souffrir pareil. Elle va te suivre, la maudite vibration. C'est ça que les gens ont raison quand ils disent que l'argent ne fait pas de bonheur. C'est vrai. L'argent, ça ne fait pas le bonheur pour l'homme. Seulement quand l'homme est conscient de l'argent, ça balance les vibrations. Donc, ça va vite. Autrement dit, l'argent, ça te donne du mouvement. Ça te permet de créer du mouvement dans ta vie. Tu balances toujours tes vibrations selon ta sensibilité. Balancer ses vibrations, c'est être capable de ne jamais se nuire personnellement. Ça veut dire être au-dessus de la polarité. Ça veut dire être capable de vaincre l'énergie, l'inertie, l'intelligence. Ça veut dire faire ce que tu veux tout le temps. Faire ce que tu veux tout le temps. Quand tu fais ce que tu veux tout le temps, tu vis 24 heures par jour. Tout le temps. Là, t'es bien. À ce moment-là, vivre sur la terre, c'est plaisant. Quand le temps vient pour changer de plan, mais c'est un autre plan. Il n'y a rien là. C'est le plein pouvoir par soi. Pas sur soi. Par soi. Nuance. Par soi. Le plein pouvoir par soi. Le plein pouvoir sur soi, c'est subtil. Le plein pouvoir sur soi, ça veut dire qu'on a le plein pouvoir sur ce qu'on peut faire. Ouais. Tandis que le plein pouvoir par soi, c'est qu'on a le plein pouvoir sur ce qu'on veut faire. Il y a une différence entre peut faire et veut faire. Peut faire, c'est très faible, mais veut faire, c'est fort en maudit. Il y a une différence entre peut faire. Moi, je ne suis pas intéressé à ce que je peux faire. Je suis intéressé à ce que je veux faire. Puis le veut faire contient le peut faire. Il y a bien des gars qui ont le pouvoir de peut faire, des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas le pouvoir de veut faire. Mais quand tu as le pouvoir de veut faire, tu ne souffres plus. Et ça nécessite la capacité chez l'individu de vaincre l'inertie de l'intelligence, c'est-à-dire d'avoir assez de volonté, d'intelligence et de rage, la colère de l'esprit, pour voir le jeu de l'esprit. Il faut qu'on voie le jeu de l'esprit. Le jeu de l'esprit, il n'est pas évident. Il devient de plus en plus évident au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus intelligent. Parce que tant que l'homme est soumis au jeu de l'esprit, ça veut dire que l'homme est prisonnier de son esprit. Quand l'homme est plus soumis au jeu de l'esprit, l'homme n'est plus prisonnier de son esprit. Puis quand il est plus prisonnier de son esprit, l'homme n'a plus d'esprit. Il est énergie. Nuance. Alors, quand l'homme est énergie, moi, si tu veux changer de plan, change de plan. Tu veux rester ici, reste ici. Parce que il y a des dimensions dans le vouloir. Le vouloir cosmique, c'est une condition de l'énergie qui s'applique à l'homme. Parce que l'homme est capable de recevoir cette condition-là d'une façon intelligente. L'homme est une machine à manufacturer de l'énergie. À la transmuter, l'énergie. C'est comme un malaxeur, là. L'énergie rentre. Mais ce qui bloque les pales du malaxeur, c'est les émotions et l'intellect. C'est ça qui crée l'inertie. C'est pour ça que l'homme n'est pas heureux sur la Terre. qui est heureux de temps en temps. Ce qui n'est pas véritablement heureux, c'est-à-dire qu'il n'est pas véritablement bien dans sa peau. La preuve, c'est qu'il y a toujours du temps dans sa tête. Le temps dans notre tête, c'est la mémoire de l'âme qui est ralentie par les événements. C'est ça, du temps. C'est la mémoire de l'âme qui est ralentie par les événements. Autrement dit, il n'y a pas assez d'événements là, qui rentrent là, dans la mémoire de l'âme. Ce phénomène-là, là, on vit ça comme du temps, nous autres. Fait que quand t'en as d'événements qui marchent, puis qui marchent, puis qui marchent, puis qui marchent, puis tu vis 24 heures par jour, t'en as plus de temps. Tu souffres plus de temps. Puis quand tu souffres plus de temps, t'es bien. T'es bien. Parce que quand tu souffres plus de temps, ça veut dire que t'es au-delà de l'inertie d'intelligence. Ça veut dire que t'es constamment dans l'énergie. Ça veut dire que t'es constamment en mouvement. Ça veut dire que t'es constamment en mouvement. Ça veut dire que t'es constamment en mouvement. Quand je répète trois fois, là, c'est ce que je veux dire. Même si t'es arrêté, t'es en mouvement. Parce que tu souffres jamais d'ennui. Tu souffres jamais d'arrêt. Tu sens jamais l'arrêt. Il y a toujours... L'énergie est en mouvement. À part, à part, à part, à part. Tu t'ennuies jamais. C'est pour ça que j'ai fait une cassette sa carrière. Parce que c'est subtil, la carrière. S'il y a une trappe à moineau, c'est ça. S'il y a une trappe à moineau, sa carrière. Parce que la carrière, ça donne la sécurité. Mais la sécurité que ça donne, la carrière, crée l'inertie des gens. Fait que quand tu es dans une carrière, il faut que tu sois sûr en maudit que tu fonctionnes 24 heures par jour. Ça veut dire qu'il faut que tu sois créatif. Si tu n'es pas créatif dans ta carrière, tu vas souffrir. Mais c'est vaste une carrière parce que ça touche bien du monde. Fait que tu ne peux pas être aussi créatif que tu veux parce que tu vas créer des chocs. Fait qu'à ce moment-là, tu as un choix. Soit rester dans la carrière ou sortir pour aller en chercher un autre. Si tu restes dedans, tout de suite, ça marche. 2 ans, ça va marcher moins. 3 ans, tu vas sauter comme un canard. Un jour, tu vas en faire sauter, tu n'auras pas de choix. On pense, nous autres, les hommes, parce qu'on vit en société, qu'on est obligé à vivre selon les lois sociales. C'est une crise d'illusion. On n'est pas obligé. On peut vivre à l'intérieur de la société, mais on n'est pas obligé de vivre selon les lois sociales. Moi, je vis en société, dans société, puis je ne vis pas selon les lois sociales. J'y respecte. Mais les lois sont dans ma tête. Alors, on vit selon les lois sociales. Les lois sociales sont beaucoup trop lentes pour les hommes conscients. Parce qu'il n'y a rien là. Ah, avant, quand tu étais conscient, c'était intéressant. Sauver les Esquimaux dans le Nord, puis sauver les Indiens, là, puis sauver ici, là, puis sauver les Québécois, ici. T'sais, tu veux sauver tout le monde? Parce que ta conscience sociale, c'est à sa mode. Mais quand tu rentres dans ton intelligence, tu te passes l'inertie de ton intelligence, tu peux t'intéresser aux Indiens tellement. T'es bien plus intéressé à toi. Mais on a peur d'être intéressé à nous autres. Parce que c'est pas catholique. C'est pas chrétien, intéressant, nous autres. C'est égoïste. Puis on se fait dire ça par tout le monde, par les politiciens, par la gang. On mord. C'est intéressant, nous autres, mais c'est pas correct. C'est pas cocheux, c'est pas mal. Mon change de civilisation, bon savoir les Juifs, salut Sainte-Catherine ou salut Craig, là. Tu t'as plus une crise de scène, là, tu t'en vas pogner la bague de ta femme, tu sais que t'as payé 5 000 $ pour. Lui, il va te donner 400 $ parce qu'il sait que t'es le cul à terre. Puis tu n'as besoin de ton petit crise de 400 $. Lui, il s'enrichit à ton dépend. Toi, tu t'en vas avec ta petite pitance. Puis après ça, on les haït, les Juifs. Sais-tu pourquoi est-ce qu'on haït les Juifs? Parce qu'on est des idiots. C'est pour ça qu'on haït les Juifs. Puis si on est intelligent, on dirait « maudit qu'ils sont au bout ». Fait qu'à ce moment-là, on deviendra aussi juif qu'eux autres. Je suis allé d'un magasin d'antiquité dernièrement. À New York. Une grosse. Diamond Center, là. C'est là-bas, là. Les Juifs, ils ont quatre chapeaux sur la tête. Je regardais, ils veulent pas que les gens rentrent là-dedans parce qu'ils ont... Ils ont tellement de choses, ils veulent pas que ce soit un musée, tu sais, ça qu'ils apportent. Le gars, il a bien savoir que si je voulais un petit peu de temps, je lui dis, attends un peu, tu me regardes un peu. C'est pas assez, tu sais qu'ils sont tenaces. Il dit, what do you want, young man? Fait que là, j'ai dit, m'a-t-il dit, qu'est-ce que je veux? Là, j'ai dit exactement ce que je voulais. Je savais qu'il n'y avait pas dans la boutique, anyway. Mais j'ai décrit une montre antique, parce que c'est ça que je regardais. J'ai décrit une montre antique, mais elle était tellement antique, la crise de montre. Que le gars, il m'a envoyé au deuxième étage à son chum en haut pour voir s'il n'avait pas. C'est ça d'intelligent. Fait qu'ils m'en ont fait créer une. Je n'ai créé une montre. J'ai dit, je veux une montre faite par tel gars à telle place, telle année, avec du lapis, de l'azuli. J'ai tout défait. J'en ai fait une montre. Il dit, c'est bien rare. J'ai dit, c'est bien rare. C'est pour ça que je regarde. Ça l'a pas acheté là parce qu'il n'y a pas les bonnes impressions. Mais je m'y rinçais l'œil parce qu'il avait des mots de belles là-dedans. Mais c'est ça l'affaire. Fait que tu deviens plus juif que le juif. Là, il te respecte, le juif. Là, il te donne sa carte. Je n'ai pas de besoin. Ça me vient, j'ai une bonne mémoire. Mais ça marche. Bon. Tu rentres avec tes émotions. Tu sors de la carte des deux jambes. Là, tout de même. Puis on les aïe. On n'est pas objectif. Les autres, ils rentrent dans ça. Mais si on a moindrement d'inertie dans notre intelligence à cause de notre émotion et notre intellectuel final, fait qu'on est toujours des losers. Fait que c'est que t'as dans le monde? T'as des winners puis t'as des losers. Puis la pyramide, comment c'est fait une pyramide? C'est fait de même, hein? C'est pas fait comme ça. T'as des winners ici puis t'as des losers ici. Il y en a des losers ici. Moi, je suis pas intéressé à être un loser. Moi, je suis intéressé à être un winner. Mais un vrai! Pas un winner parce que mon père m'a laissé 200 000 pièces. Quand t'es un winner, ça t'aide que t'as n'importe où, tu rencontres des rois ou des présidents ou des... C'est que c'est la même chose. C'est tout du monde. Ils sont tous ignorants pareil. Fait que là, tes mains tapent. Fais ce que tu veux. C'est pour ça que c'est très dangereux de ne pas être capable de construire notre avenir. Parce qu'on n'aura jamais. Construis pas ton avenir, genre des finales, tu n'auras pas. Tu vas avoir un futur, puis le futur, il va être déterminé selon les lois planétaires. Puis la petite voyante, elle va dire, ah, monsieur, là, dans 2 ans, vous allez avoir une maladie, là. Vous allez vous casser une jambe, comme des fêtes. Dans 2 ans, tu te pètes une jambe, comme un beau niaiseux. C'est là ton futur. Hein? Quoi? L'imagination? Qu'est-ce que c'est l'imagination? L'imagination, c'est l'impuissance de l'intelligence. Refléter dans le corps astral puis le corps mental inférieur de l'homme pour lui donner l'impression d'être créatif. C'est ça. C'est ça l'imagination, mon cher. Je te donne une définition. Moi, c'est ceux qui me font mourir, c'est les artistes. Parce que les artistes sont machos. Un artiste est toujours macho. Ils sont un petit peu marginal à la société. Ils sont un petit peu indépendants. Ils peuvent dire des choses dans la société que la société ne peut pas faire. Tu sais, les artistes, ils peuvent se permettre des choses que les gens ne peuvent pas. Mais il y a bien plus d'artistes que d'artistes. C'est facile quand t'es artiste de te donner l'impression d'être artiste. T'as qu'à faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, puis c'est normal parce que ça vient de toi. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire être artiste? Être artiste, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire être capable de mettre sur un canevas ou en musique ton intelligence. Si t'es pas capable de mettre ton intelligence sur un canevas, t'es pas un artiste, t'es un artiste. Mais pas l'intelligence de l'art! Pas la mémoire de l'art! ton intelligence. Fait qu'à ce moment-là, c'est garanti que si tu mets ton intelligence sur un canevas, tu vas ouvrir des portes dans le domaine de l'art. Ça va créer des chocs. Et l'artiste, que ce soit n'importe qui, n'importe quel homme, l'homme doit mettre son intelligence, doit la faire sortir, la canaliser. La seule chose qui bloque, c'est l'inertie. Lui, c'est un artiste. Lui, il est obligé de se dépouiller du passé, de la philosophie, des arts, des proportions. Ici, ça. Quand tu vas se dépouiller des proportions, puis qu'il va créer ses propres proportions, c'est pas parce que Michel-Ange, bon non, Léonard de Vinci a parlé des proportions, que c'est ça les proportions. À l'intérieur des proportions, il y a peut-être d'autres proportions. Hein? Ça commence à rentrer, ça. Quand à l'intérieur des proportions, il y a d'autres proportions. Il y en a un qui l'a fait inconsciemment, le déproportionnellement, le déproportionnement de la proportion, c'est que, comment ça s'appelle, le cubisme. Picasso, il l'a fait. C'est ça qu'il a fait. Sans savoir. Juste, s'il m'en reste, ça n'a pas. Non, oui, d'accord. La technique, ben oui, la technique, c'est important la technique, parce que la technique, c'est l'aspect moteur de la créativité. C'est très important. Sans ça, tu perds l'énergie pour rien. Tu vas prendre 10 ans pour faire quelque chose au lieu de prendre 2 semaines. Comment? Mais même sans technique, tu peux faire quelque chose si t'es patient. Si t'es patient, tu peux faire quelque chose. Ça va être long, tu vas y arriver vrai. Mais la technique, c'est bon. Ça te permet de ne pas perdre d'énergie. Mais une fois que tu possèdes la technique, il faut que tu rentres dans l'intelligence de ce que tu veux dire. On est nul. On est nul, pas dans notre intelligence, de notre intelligence. On est nul de notre intelligence. On s'en sert gros de même. Gros comme ça. Moi, je sais très bien que c'est anormal qu'un homme soit pauvre. Pas normal. Quand je ne dis pas, vous dites qu'ils ne peuvent pas vivre bien comme ils veulent, à son niveau. Pas normal. C'est normal. S'il y a de la pauvreté dans vos vies, il y a quelque chose qui cloche pas, qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne veux pas dire être riche. Je veux dire avoir ce que vous voulez. Quelque chose qui ne marche pas. C'est pas bon être pauvre. Parce que tu peux rien faire. Si t'es pauvre, t'appauvris la société. Si t'es riche, mais tu veux canaliser tes énergies, tu vas ouvrir un petit restaurant. Là, les gens vont bénéficier d'un petit restaurant. Tu vas ouvrir une petite boutique. Les gens vont bénéficier d'une petite boutique. Si t'es pauvre, t'appauvris la société. Mais on a de la misère à le voir, ça. On a de la misère à... On dirait que c'est quand on a bien souffert, là, qu'on est devenu bien conscient du rapport entre les forces et nous autres, puis qu'on est tenu dans une sorte de léthargie, là, puis éventuellement on saute, là, c'est là qu'on commence. On dirait que c'est par la souffrance qu'on devient intelligent. Un qui l'a la bosse de ne pas s'enrager, mais un qui l'a la bosse de bien organiser sa finance et ses avoirs. C'est comment est-ce qu'il s'appelle? Fernand Machin. Comment est-ce qu'il s'appelle? Obu. Lui, il comprend ça, lui, ce que je veux dire. S'organiser. Pour lui sortir de tout le jeu de se faire riche. Quand tu te rends riche, il faut que tu te rendes riche facilement. Il faut pas que tu te fatigues et que tu vieillisses. Il faut que l'argent travaille tout seul. Comprends ça? La niaiseuse, il est. On planifie parce qu'on va essayer de voir. Planifier, c'est essayer de se construire un avenir. pas planifié. C'est pas assez planifié. Faut vouloir. Quand tu veux, automatiquement, le plan se développe. Ça vient tout seul. Mais faut que tu veuilles. Construis ton avenir. C'est une affaire de volonté et d'intelligence. Tandis que planifier, c'est une affaire d'intelligence. C'est pas une affaire de volonté. C'est pas assez. Il te manque une patte à ta chaise. C'est pour ça que souvent, la planification, ça marche pas comme tu veux. D'accord. Mais le temps, il est là quand toi, t'es prêt. Oui. Tu sais, c'est facile de dire ça vient quand c'est le temps. Ça, c'est vrai. Ça vient quand c'est le temps. Ça, c'est vrai. OK, je suis content que tu amènes ce point-là parce que je veux l'éclaircir. Ça vient quand c'est le temps. Ça, c'est vrai. Mais ça vient quand toi, t'es prêt. Ça, c'est encore plus vrai. Puis quand toi, t'es prêt, après ça, il y a un autre temps qui vient. Mais à ce moment-là, t'as déjà quelque chose. Tu sais, quand t'as déjà quelque chose dans la vie, à ce moment-là, mais le temps après, c'est plus long parce que tout près, c'est comme si tu prendrais 10 ans. C'est plus une affaire de nécessité. C'est pas important, comme pour moi, c'est pas important d'avoir un char particulier. Parce que j'en ai déjà un. Mais si je n'avais pas, faudrait que j'en aie un. Fait que quand j'ai une maison, j'ai mon char, puis j'ai du linge, puis j'ai de la nourriture dans le fridge, moi j'ai tout ce que j'ai de besoin. Après ça, c'est just a matter of time. Mais ma détermination est toujours pareille. Ce que je veux, c'est là. Je peux pas le faire tout de suite, mais je vais le faire. Fait que je souffre pas de ce que je veux faire. Alors, nous autres, on doit en arriver à d'abord avoir ce qu'on veut, ce qu'on a de besoin, là, ce qui est intelligent, qui est approximatif. Là. Il y en a qui n'ont même pas d'appartement. Ils ont même pas de meubles chez eux. Ils ont pas de linge. Vous l'avez déjà dit, la pensée positive, ça marche si vous avez déjà derrière vous autres de l'actif. Si t'as pas d'actif derrière toi, il faut que t'en crées d'actif. Si t'as pas d'actif derrière toi, comment t'as la pensée positive jusqu'aux oreilles? L'actif, ça vient de ton pouvoir de détruire l'inertie de ton intelligence. C'est ça ton actif. C'est ça ton actif. La pensée positive, c'est bon, c'est un petit peu d'actif. Mais si t'as rien, là, ça te prend de l'énergie. Je dis pas que c'est pas bon la pensée positive. Mais j'ai dit, ça dépend jusqu'à quel point t'es acculé au mur. Moi, j'en connais des gens qui ont enseigné la pensée positive. Qui l'ont enseigné. Puis des gens extrêmement intelligents là-dedans. Puis il est venu un événement dans leur vie, là. Ils ont capoté net. Ils sont tombés à terre comme des torchons. Ils étaient plus capables. Puis il me disait, c'est drôle, je suis capable de l'enseigner au monde, mais moi, je suis plus capable. C'est-à-dire que moi, j'en ai besoin de la pensée positive, je suis plus capable. Ça n'aurait pas été d'autres personnes pour les aider, ils seraient jamais remontés. La pensée positive, c'est bon quand tu as de l'actif, là. Mais quand tu as eu un choc, tu es réellement à terre, ton corps émotionnel et ton corps mental sont séparés, il n'y a plus de coordination, là. Je te dis que ça vaut plus cher, la pensée positive. Ce que tu as besoin en ce moment-là, c'est une maudite volonté de chier. Puis la volonté, c'est lié à l'intelligence. Puis là, tu fais sauter l'inertie de l'intelligence. À ce moment-là, tu ne peux plus être pauvre. Tu vas chercher pièce par pièce ce que tu as besoin dans la vie. Tu construis ton avenir. C'est pour ça que le phénomène de communication, là, je prends une autre étape. Le phénomène de communication entre vous autres, je parle de vous autres, puis je ne suis même pas intéressé à vous parler de vous autres dans 10 ans, dans 15 ans, parce que vous avez créé des formes. Anyway. Mais je sais que le phénomène de communication entre vous autres ou entre certains de vous autres est tellement essentiel que c'est ça qui va vous permettre un jour de plus travailler. C'est ça qui vous permettra un jour de plus travailler. Je peux y compter sur mes doigts, ces gens-là. Parce que la communication sera tellement forte entre vous autres que vous serez tous capables, individuellement et en masse, de détruire l'inertie de l'intelligence. de sorte que vous construisez votre avenir pour vous permettre plus tard, lorsqu'il y aura des conflits mondiaux entre la Russie et la Chine, d'être quelque part sur la planète totalement à l'abri de ces conflits-là. Puis avoir les moyens pour aller là, et ainsi de suite. Parce qu'il y a une subtile... Il y a une convoitise dans l'astral, par les intelligences dans l'astral ou les intelligences sur les plans inférieurs à la lumière. Il y a une convoitise. Et cette convoitise, ça fait partie des lois cosmiques. Et cette convoitise, c'est ceci. C'est que les forces qui sont intelligentes et qui ne font pas partie de l'intelligence parfaite sont anti-hommes. Toute la crise de gang. Même les maîtres spirituels, puis les gouzous, puis ceux qui se promènent, frère André, aussitôt qu'ils sont rendus l'autre bord, sont obligés d'agir selon des lois qui sont anti-hommes. Les seules forces qui sont pour l'homme sont ce qu'on appelle les ajusteurs de pensée. C'est les seules forces qui sont pour l'homme. Tout le reste sont anti-hommes. Alors, automatiquement, dans la conscience humaine, dans la conscience de l'homme, il y a toujours un petit nuage, il y a toujours un petit film sur son intelligence. Et ce petit film-là, il est très répandu dans le monde occidental, dans le monde oriental, dans le monde tout partout, chez les gens qui sont moindrement spirituels. Et il se manifeste de cette façon, c'est que les gens qui sont moindrement spirituels, qui n'ont pas brisé cette inertie d'intelligence-là, ne sont pas capables de réaliser l'importance de vivre les lois du plan où tu es selon les lois du plan où tu es. Ça veut dire que si tu es sur le plan matériel, organise-toi pour avoir tous les moyens dans le plan matériel qui te permettent de vivre une vie qui est harmonique. Quand tu changeras de plan, tu n'as plus besoin d'argent, c'est une autre affaire que tu auras besoin, tu te rendras pour aller chercher tout dans ce plan-là que tu as besoin. Puis quand tu changeras de plan, ça sera la même patate. Mais dans les plans où vous êtes, vous devez vivre selon les lois de ce plan-là. Si vous ne vivez pas selon les lois de ce plan-là à cause de ce petit film sur votre esprit, à ce moment-là, vous deviendrez des pauvres et des saints. Mais, vous ne serez jamais dans le pouvoir de vie. Vous serez parce que vous aurez fait prendre par les lois de l'inertie. Tout devient l'inertie. Ça ne se décrit pas d'inertie. Ça ne se décrit pas. C'est un état qui transcende l'esprit humain. C'est un état qui transcende l'esprit. Il n'y a plus d'esprit humain quand tu pètes ça. C'est de l'énergie qui te fait fonctionner sur le plan matériel, qui te fait fonctionner sur un autre plan ou qui te fait fonctionner sur un autre plan. C'est ça la vie. Tu deviens un porteur de questionnement. Sans ça, tu es un porteur d'eau. Tous les gens intelligents, porteurs d'intelligence, sont des porteurs d'eau. C'est pour ça que je vous parle. Moi, je vous parle. Pourquoi est-ce que je vous parle? Je ne vous parle pas pour vous donner de la connaissance. Je vous parle pour vous rendre conscient d'être écœuré. Je vous parle pour vous rendre conscient de la nécessité de vous écœurer. Je vous parle pour vous rendre conscient de l'importance un jour de vous écœurer. Je vous parle pour vous rendre conscient de l'importance un jour de reconnaître l'importance d'être écœuré. Et c'est ça. Je vais vous parler jusqu'à temps que ça vous saute par les oreilles. Tant qu'un jour, vous n'aurez pas de choix, vous allez vous écœurer. C'est comme ça que j'ai tout rapport. Mais il y en a qui sont durs à écœurer. Ah. Il y en a qui sont durs à écœurer. Il y en a, là, j'essaie de les écœurer, ils sont pas écœurables pantoute. Ils ont du lousse encore. C'est plaisir. Je pense qu'il y en a qui pourraient parler pendant 10 ans, ça prend 10 ans. Là. Liz, c'est pas écœurable, Liz. De temps en temps, il y a un petit sursaut. Là. Oups! Et puis là, ça retombe. Eh ben, mais fin. Il y a du monde qui sont pas écœurables. Savez-vous pourquoi ils ne sont pas écœurants? Parce qu'ils sont trop bons. Ils sont trop bons. On est empoisonnés, vivants, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Amen.